J'adore ce générique. Bonsoir à tous et à toutes. Enfin de retour avec une petite demi-heure de retard, mais la prochaine commencera à l'heure, c'est sûr. 1h30 de John, Paul, Ringo, George, aujourd'hui pour la 222e édition de la saga des Fab Four, la 31e année de cette émission qui a commencé donc en 1984. J'en suis dingue, j'adore. Et j'adore parce que vous êtes là présent sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, sur Macaque Club, le groupe La Saga des Fab Four, et la même chose pour yellowsub.fr. Vous êtes là, vous commentez, vous demandez quelquefois des disques pour la fois d'après, hein. C'est rare que je puisse le passer en même temps. Et tout se passe très très très bien entre vous et nous et avec les Beatles. Donc aujourd'hui l'album de la semaine c'est Ram de Paul McCartney en 1971. On écoutera Too Many People, Dear Boy, une de mes chansons préférées, tout album confondu. Three Legs, il y aura également Uncle Albert, Anne Ashley et Monkberry Moon Delight. Ah oui, c'est raccourci parce que c'est seulement 20 titres au lieu de 30. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles, comme par exemple pour Lennon, Working Class Hero. La chanson date de 1970, mais je vous proposerai la version de l'album acoustique en 2004 avec un petit peu de phasing dans la voix. Ça donnait un petit coup de jeune, c'était plutôt très sympa. Vous entendrez ça si jamais vous ne l'avez jamais entendu. Il y aura également pour George Harrison le superbe Just For Today, qui ne ressemble pas, je trouve, à du Harrison, mais qui est tellement harrisonien. C'est sur Cloud Nine en 1987. Et puis Ringo dira en 1973, grâce à John Lennon, puisque c'est John qui a écrit cette chanson, je suis le meilleur. Et il le prouvera en le chantant. Et lorsque, c'est ce que disait Lennon à propos de cette chanson-là. Il disait, si moi, John Lennon, je chante I'm the greatest, tout le monde va croire que j'ai la grosse tête. Si c'est Ringo qui chante ça, on va dire, il rigole. Et oui, c'est vrai, il rigolait. Et c'était plutôt une très très bonne et belle chanson. Et pour les Beatles, ce sera, je crois, ma chanson préférée. Ce sera While My Guitar Gently Weeps sur l'album blanc en 1968. Place à la musique, il est 20h33. Bonsoir à tous et à toutes. Tout le monde est prêt. J'ai attendu vraiment le maximum de temps. On commence avec l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ram, sorti en 1971. Et c'est Paul McCartney, Too Many People sur RIG. Too many people going on the ground. connaisseurs. Il s'agit de version mono de l'album Ram que je vous propose. Oui, la version sans le haut, c'est encore plus agréable pour nous. Voici Working Class Hero, version 2004 sur RG. I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try, okay? As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. Think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile when you kill. Want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Premier album solo de John en 1970. L'album s'appelle Plastic Ono Band. Le titre du morceau, The Working, oh là là, pardon, Working Class Hero. Le titre, héros de la classe ouvrière, est plus sarcastique que narcissique. Lennon parle de quelqu'un dont les rêves se sont réalisés et qui découvre que ses rêves n'étaient que des illusions. La chanson parle de l'abrutissement instillé par le conditionnement social. Encouragé par les enseignements de Janov, le John réexamina sa scolarité pour prouver que ses talents avaient été étouffés par ses professeurs. Et on conclut que seule la médiocrité est récompensée. Nous sommes tous écrasés, énonce-t-il. Ceux qui sont intelligents sont haïs et ceux qui ne le sont pas sont méprisés. Il poursuit en empruntant des thèmes alors à la mode chez les intellectuels de gauche, principalement que la liberté et la société sans classe sont des mythes créés pour dissimuler notre absence de contrôle sur nos vies, tandis que les médias, la sexualité commerciale et les drogues, légales ou non, conspirent pour émousser notre envie de changement. Eh ben, disons. Le minimalisme de l'interprétation de cette chanson et de son accompagnement à la guitare acoustique provoqua de nombreuses comparaisons avec Bob Dylan. Bien que John ait ouvertement fait de Dylan l'une de ses idoles à l'époque des Beatles, il avait fini par s'irriter de la fréquence de cette comparaison, répondant que l'association de la voix et de la guitare acoustique faisait partie de la tradition du folk bien avant Blowing in the Wind. En tant que qu'autoportrait d'un Lennon cynique, Working Class Hero est inégalé. Il l'interprète avec une fatigue morbide qui étale au grand jour ses propres désillusions. Il a réussi sa vie, laisse-t-il entendre, mais seulement dans le cadre étroit qui nous est permis. La fortune, la gloire et le plaisir. Eh ben dites-moi, j'aimerais bien ça déjà. Nous sommes faciles à contrôler, implique sa théorie, parce que nous permettons à notre imagination d'être limitée. Mais ces thèmes ne sont pas explicites et l'appellation héros de la classe ouvrière allait souvent lui être appliquée sans la moindre ironie ou être considérée comme une preuve de son égocentrisme. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson de John Lennon en 1970. Voici en 87 sur l'album Cloud Nine, George Harrison et Just For Today. Just for today. I could try to live through this day only, not deal with all life's problems just for today. If just I could feel not sad and lonely, not be my own life's problem just for one night. If just today, I could try to live through this day only, not deal with all life's problems just for today. Life's problem. I was a little boy, way back home in Liverpool. My mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great. Nous sommes en 1973 et ce premier album pop-rock de Ringo Starr est entré dans l'histoire pour trois raisons. La première, c'est qu'il fut le tout premier à réunir quatre ex-Beatles depuis leur séparation, même s'ils ne se retrouvèrent au mieux qu'à trois dans le même studio. La seconde, c'est qu'il est incontestablement très réussi. Et la troisième, qu'il fut par voie de conséquence un étonnant succès commercial, tout comme les trois premiers singles qui en furent extraits. Avec It Don't Come Easy et Back of Boogaloo, ce précédent single, Ringo Starr avait déjà créé la surprise. Avec l'album Ringo, il revient carrément au tout premier plan, jouant d'égal à égal avec ses trois anciens partenaires, tout au moins au niveau des ventes. Qui aurait parié là-dessus, ne serait-ce que trois ans auparavant. La meilleure arme de Ringo Starr, en dehors de son appartenance au groupe le plus connu de la planète, c'est tout avant tout le capital de sympathie dont il jouit auprès du public, mais aussi et surtout par ses pairs et ses amis musiciens. Alors il se décide à enregistrer un disque, et quand il se décide à enregistrer un disque, il n'hésite pas à convoquer à la fête diverses pointures de la scène rock anglaise et américaine. Et là, dans ce cas-là, et ben, ses anciens copains, et notamment ce titre, le titre qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire I'm the greatest, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga, c'est pas faux. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman.

Nous sommes en 1968. George était en train de lire le Yi Qing, le livre chinois des transformations, et décida d'appliquer son concept fondé sur le hasard à la composition. Un jour, il prit un roman sur une étagère, décidé à composer une chanson à partir des premiers mots qu'il lirait. Ces mots furent « Gently Weeps ». Pleure doucement. Et George se mit à écrire. Il commença à enregistrer en juillet 68, mais trouva que les autres Beatles n'accordaient pas suffisamment d'intérêt à sa chanson. En septembre, il reprit l'enregistrement avec son ami Eric Clapton à la guitare, et là, ce fut autre chose. C'est l'une des plus belles chansons de George Harrison. Et puisqu'on parle des Beatles, parlons de notre ami Lovely Rita, Beatles Magazine. Vous trouverez obligatoirement sur Facebook, sur Google+, sur Twitter et sur bien d'autres formats, le Beatles Magazine, si vous voulez tout savoir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur le monde des Beatles, le monde des post-Beatles, de la famille des Beatles, et même des gens qui font de l'animation sur les Beatles, comme par exemple mon ami Michael Honorato du New Jersey, à qui j'envoie un « Hi, New Jersey, New York ». Parce que je l'aime bien, j'aime bien écouter son émission. C'est très tôt le lundi, le mardi matin pour nous en France, c'est à 4h du matin. Lui, c'est le lundi soir à 10h du soir dans le New Jersey à New York. Hi, Michael. Et donc, retrouve les Lovely Rita, ce sera vraiment une très très bonne chose de faite. Voici l'album de la semaine et cette chanson, Dear Boy, sur RIG. I guess you never knew, dear boy, what you have found. She never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess she never knew what you had found, dear boy. Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. It won't be long, yeah. Yeah. 1963, sur l'album With the Beatles, John Lennon et Paul McCartney, ainsi que Ringo Starr et George Harrison, forcément. Dans cette chanson, It Won't Be Long, quelques années plus tard, mais pas longtemps, nous sommes 17 ans plus tard, en 1980, John Lennon, beaucoup plus cool, fait une chanson éternelle, une chanson en hommage aux femmes. Et moi, je vais la dédier à quelqu'un, hein, pourquoi pas. Vous pouvez faire de même. C'est fait, voilà. Voici Woman sur RG. Express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. Cette chanson évoque beaucoup de choses pour moi. Mon premier amour qui était parti et puis qui était revenu grâce à cette chanson. Elle m'avait dit j'ai entendu Woman et ça m'a fait penser à toi et je voudrais revenir vers toi. Et pendant un temps, elle est revenue et puis elle est repartie et puis elle est revenue et puis ça vous regarde pas après tout. Allez, je lui fais une grosse bise à Alexandra, je pense à elle. Voici à nouveau George Harrison et nous sommes en 1981. Unconsciousness Rules, pas facile à dire. Unconsciousness Rules, correct? RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Dance at the discotheque. That's why he looks at you red. Your face is pale. while you're back in your cage. He got out on the stage for the unconscious of truth. You got yourself in a bind. You don't know how to unwind. Your sense is unsatisfied. Take you along on a ride. You got a way to understand the sensation. Dance the hands off of everyone. Then you go back on the floor. Got to get through the door where the unconscious pursues. Nothing can stand in your way. You're living day after day where the unconsciousness rules. Do-do-do-do-do. Well, when I walk, when I walk on my horse upon the hill, when I walk the horse upon the hill, and when I walk, walk, walk, walk on my horse upon the hill, when I walk the horse upon the hill, when I lay me down, will my love love me still? A dog is here. Can't run. But mine got one. My dog, he got three legs. but he can't run. My dog, he got three legs. Your dog, he got none. Toujours la version mono de l'album Ram en 1971. Cette chanson, je le lis du bouquin de Luca Perazzi, Paul McCartney's Recording Sessions, 1969-2013. Je vais essayer de le traduire directement, c'est pas évident. Et la plupart des critiques musicaux ont pensé que cette chanson Three Legs était l'un des moments les plus sarcastiques, les plus méchants, était inspirée par les batailles entre Lennon et McCartney dans le début des années 70. On pensait que le fait de parler de trois membres, c'était le membre de moins, c'était McCartney qui était parti, et donc que les Beatles ne pouvaient pas continuer le voyage avec seulement trois membres. C'était pas possible. Or, Paul McCartney a dit plus tard que pas du tout, ça ne concernait pas John Lennon, même si lui l'a cru pendant longtemps. C'était simplement un dessin de sa fille Heather qui a été l'inspiration de cette chanson. C'était voilà, tout simplement un dessin de sa fille. Et il en faut peu à Paul McCartney pour écrire des chansons. N'importe quoi peut lui faire donner un thème de chanson. Je me souviens en 2001, par exemple, sur l'album Driving Rain, c'est simplement sur son alarme, il y avait marqué Still Open ou quelque chose comme ça. Something's open, something's open. Et c'est devenu Something's open, it's my heart, etc., etc., etc. Let's go back. Let's go back, back, back. Deux chansons des Beatles à la suite, Words of Love et And I Love Her sur RG. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. To hear, darling, when you're near. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Je suppose que les spécialistes auront remarqué que la voix n'était pas doublée sur cette chanson. Il ne s'agit donc pas de la version européenne de And I Love Her, sortie en 1964, quelle très belle année, sur l'album Hard Day's Night, mais la version de And I Love Her en mono, sortie en 1964 aussi, sur l'album Hard Day's Night, The Motion Picture Soundtrack, évidemment, sortie aux États-Unis. Et oui, depuis que j'ai cette version-là, eh bien, j'aime bien vous proposer les versions américaines, lorsqu'elles sont différentes des versions, on va dire, françaises. Thank you. Guetta, après sa mort, sort la version définitive de cette chanson, enregistrée forcément en 1980. Elle est d'abord parue sous la forme juste du brouillon, avec une rythmique, une boîte à rythme, voilà, on appelle ça le piano, et puis John Lennon en train de chanter, probablement, j'imagine, avec le magnétophone posé sur le piano, ou quelque chose comme ça. Donc vraiment quelque chose de simple, d'épuré, puisque ça devait devenir une grande chanson. Il le voulait, il l'imaginait comme, sans doute, comme George Martin l'a fait plus tard avec orchestre et tout ça, parce que c'est vraiment très très joli. Ça aurait pu être quelque chose d'encore mieux si, évidemment, il avait pu retravailler en faisant quelque chose de meilleur que ça. Mais c'est quand même bien. Merci George Martin. Et merci, je le dirai une seule fois dans l'année, à Yoko Ono d'avoir permis de sortir cette version définitive de Grow Old With Me. Très belle chanson de John Lennon. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home. So sorry, but années 70 aura cette faculté non négligeable, et pour encore une bonne dizaine d'années, de produire des hits instantanés populaires et néanmoins respectables. Sur Ram, il y en a un, au moins. Uncle Albert, Admiral Ansley, qui, malgré un profil musical ambitieux, décrochera immédiatement la timbale, numéro 1 aux États-Unis, et plus d'un million d'exemplaires écoulés en moins d'un mois. Tour à tour mélancolique et enjouée, cette chanson est construite sur le principe que McCartney a souvent mis en œuvre par le passé, accolant côte à côte des thèmes aux mélodies et aux rythmes très distincts, comme pour A Day in the Life, Hey Jude, You Never Give Me Your Money, ou plus tard son fameux Ben on the Run. La formule offre un relief inhabituel et plaisant, privilégiant les effets de surprise à la traditionnelle construction couplet-refrain. Si McCartney n'est pas le seul à user de cette pratique, il en reste l'un des initiateurs les plus habiles, et cette propension aura une suite logique lorsqu'il abordera plus tard des œuvres de facture classique. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson, Uncle Albert, Admiral Ansley, sur l'album de la semaine Ram sur RIG. Coming up, George Harrison and Love Comes to Everyone. I wish love could come to me. Yeah. Quelle belle chanson de George Harrison en 1979 sur l'album qui n'a pas de titre. L'album s'appelle George Harrison, tout simplement. Je vous conseille de vous acheter cet album-là parce qu'il est vraiment très très bon. Et cette chanson, Love Comes to Everyone, sera reprise par Eric Clapton, son pote également. Là, nous sommes en 1974. Une bonne chanson sur l'album Goodnight Vienna de Ringo Starr. Voici Ouh-Ouh-Ouh-Oui sur RDG. Since I met you, baby, I've been acting kinda strange. I wake up in the morning, then without a warning, all I do is scream your name, yeah. Every time I look inside me, I see the man that I've become. You make me wanna holler and jump right out my collar. Recognize me, they say you hypnotize me. Who, what you done to me, babe? You drive me out of my sunset. She looks just like the new Jean Harlow, with sultry lips and long blonde hair. Say she came from Hades, or was it the Euphrates that brought my lady here? Yeah. Ooh, ooh, wee, baby. Ooh, ooh, wee, baby. Friends don't understand me, they say you underhand me. Who, what you done to me, baby? You drive me out of my senses. The new Jean Harlow, with sultry lips and long blonde hair. They say she came from Hades, or was it the Euphrates that brought my baby here? Ooh, ooh, wee, baby. Ooh, ooh, wee, baby. Friends don't understand me, they say you underhand me. Who, what you done to me? Paul McCartney dans la saga des Fab Four. To essayez juste une fois chez vous de mettre la chanson, de la mettre au casque et d'essayer de hurler autant que le fait Paul McCartney dans cette chanson-là. Vous allez vous rendre compte de l'exploit vocal de ce titre. C'est vraiment très, très, très fort. On avance vers la fin de l'émission et puis j'ai promis cette année de faire des efforts à Eric. Donc, je vous propose de passer tout de suite aux deux dernières chansons de la saga. Et voici I Want You, She's So Heavy, les Beatles sur la régie. I want you. 90.7, la radio des Beatles. That's all for now. all for now. You gotta go home. See you next time, friends. Et je vous laisse entre les mains malades de Eric. Donc prenez soin de lui. Il fait de la radio alors qu'il a de la fièvre. Il va essayer de rester jusqu'au bout. Et peut-être que Johnny Hallyday, et surtout vous, vous allez l'aider à rester. À très très bientôt, la semaine prochaine, 20h, 22h, pour une nouvelle édition de la saga des Fab Four. Bye bye, ciao. Yeah.